Aquí. Avec Party News. Thank you. mix, un studio, c'est le dernier marathon de l'année. In the night, I saw your eyes shining bright like drops of light deep in the night. I saw your eyes shining bright like drops of light. Deux heures, DJ Pure, c'est le dernier marathon de l'année. Mono. Jay Pure. 22h, 2h. C'est juste un cauchemar. Trans Escape. We have to move. Avec Party News. Party News. Party News. Party News. Party News. Thank you. Escape. Thank you. DJ Pure. Rule three, there will be no wiping of sweat from anybody. And rule four, always remember the music. 22h, 2h, c'est le dernier marathon de l'année. Il est temps à présent pour DJ Pure de sortir sa dernière cartouche, ou plutôt son dernier vinyle du Flycase. On se retrouve lundi dès 22h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Espace TE espace ON 266.